27e leçon. Les commerçants. Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Quand vous voulez du pain, vous allez chez le boulanger. Là, vous trouvez non seulement des baguettes, mais aussi des croissants, des tartes et des gâteaux. Si vous avez besoin de viande, vous allez chez le boucher. Vous pouvez y acheter toutes sortes de viandes et de volailles. Et si vous avez envie de bon jambon, de pâté ou de saucisson, vous allez chez le charcutier. Le lait, le beurre, la crème et les œufs, on les trouve à la crèmerie. Chez l'épicier, il y a des fruits et légumes. Et beaucoup d'autres choses. Et quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, vous allez à la pharmacie pour acheter de l'Alka-Seltzer. Exercice. Je veux du lait, du beurre et des œufs, s'il vous plaît. Allez chez le boulanger. Et achetez deux baguettes. Que faites-vous quand vous avez mangé? Je me couche. Vous y trouvez toutes sortes de viandes et de volailles. Il ne peut pas trouver de jambon.